être qui pour nous incarne la misère. Il y a celle que le saint appelle le pharaon Abel, posté sur la lune malgré le froid. Proie facile, amoureuse, onéreuse pour mari infidèle, celle qui ne cherche jamais querelle, celle que tu veux ne jamais revoir. Dans les farvoyeurs des voitures, regardez ce emprunt de luxure. C'est une âme, une femme qui se rend mature.